Eau de Radio. Écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut. Rire. Bonne année, mesdames, messieurs. Bonne année. En fait, on est en train de rigoler. Parce qu'Agoustic, nous sommes seuls, tous les deux. Et en fait, on se marrait sur l'Infernal et son équipe. Et toute son équipe. Et toute son équipe. Se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2016, mesdames, messieurs. Salut Dandy, ça va? Une émission qui commence bien, mesdames, messieurs, car ce soir, nous ne sommes pas diffusés sur la bande FM, car il y a eu un problème technique. Ouais. Si vous écoutez actuellement la bande FM, vous entendrez un grichouillis. C'est le terme technique. Je le fais hyper bien. Mais en fait, je suis imitateur à mes heures perdues, mais de bruit de problème technique. Je ne fais que des... Vas-y, demande-moi n'importe quel bruit de problème technique, je te le fais. Ouais, je sais pas, d'un disque vinyle. Ouais, on dirait un petit Transformers quand même. Allez, nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur comme d'habitude. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor. Ici, bonne patate après une petite semaine de vacances, ça fait toujours du bien. Et puis mon poulet Goustique est là. Oui. Comment ça va, mon bichon? Bah écoute, j'ai l'impression que 2016 commence un peu comme 2015, c'est-à-dire un peu merdiquement, j'ai envie de dire. Non, ça va très bien. Écoute, j'ai passé une bonne semaine de vacances. J'ai bouffé comme un porc, à peu près comme la moitié des Français. Oui. Voilà. Et puis sinon, ben j'ai eu le temps de jouer entre temps parce que c'est fait pour ça les vacances aussi. J'ai rejoué à Borderlands 2. Oui. Récemment avec Mr. Bibin et James d'Amical du Geek que j'embrasse. Et puis ensuite, ben j'ai terminé. Ça y est. Enfin. Mon Dieu. Ce matin. J'ai terminé Sleeping Dogs, le remaster sur PS4. Eh ben, je t'applaudis. Eh ben, merci. Voilà. Je m'applaudis aussi. Comme vous pouvez l'entendre chez vous, nous sommes au nombre de deux. Voilà. Et c'est pas des applauses de merde, quand même, hein. Merci, Kogumasa. Mais, en fait, du coup, voilà. Donc, là, je suis en route pour le platine. Donc, je crois que ça sera mon premier platine sur PS4, quand même. Ah, yes. Et ça va. Il a l'air facile, quand même. Oui, c'est gérable. Voilà. Honnêtement, voilà. Ça sera mon objectif. Et puis, voilà, dimanche dernier, je suis parti y revoir une troisième fois Star Wars, le réveil de la Force. Yes. Tout simplement, déjà parce que voilà, ce film, je pense qu'il a marqué pas mal de personnes. Déjà, il a atteint le milliard. C'est hallucinant. Il est en train de dépasser Avatar, Jurassic World, et tant mieux pour Jurassic World. Et Kirikou 2 aussi, je crois. Ouais. Et oui, la gomme magique, ça sera pour la semaine prochaine. Du coup, je suis parti le revoir aussi parce que. Voilà, samedi prochain, samedi 9 janvier. Oui. Voilà, si vous avez pas envie de mater l'hommage de Balavoine sur TF1, et ben si vous voulez, regarder nos années bonheur avec Karen, Cheryl et Sébastien, génial. Voilà. L'Amicale du Geek, donc une chaîne YouTube, fait souvent des lives YouTube. Je pense qu'il nous écoute. Et samedi 9 janvier, on reviendra sur Star Wars 7 et aussi sur la saga Star Wars. Et je ferai partie de la liste des invités. Et je représenterai fièrement la voix du geek, mon copain fait mort. Comment il se la pète, quoi. Genre, il est invité dans des émissions et tout. Après, Ruquier. Attends, je suis pas encore sur D8, mon gars. Je suis pas encore sur D8. Mais ça devrait tarder. Mais voilà, donc du coup, on va bien s'amuser, on va bien déconner. Donc n'hésitez pas à venir samedi 9 janvier, ça commence à partir de 20h30. Après l'heure de fin, je ne sais pas du tout. C'est ça qui est bon. Voilà, et exactement. Puis, une question me brûle les lèvres, oui, ainsi qu'à la France entière. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené le Père Noël ? Alors, ce qui m'a amené le Père Noël, alors déjà des chocolats. Tout ce qui est voilà à base de tout ce qui est à base de chocolat, tout ce qui est à base de chocolat, noisette, chocolatine, tout ça. Exactement. Ensuite, j'ai eu deux mugs. Donc un mug Batman que ma sœur Sandra m'a offert avec dans ce pack de mugs un livre pour faire des mug cakes en fait. Voilà. Donc du coup mais rien à voir avec Batman hein, c'était des trucs genre mug au cake à la vanille et tout. Moi je pensais à un truc tu sais mug au pingouin de Gotham, tu vois, un truc de genre quoi, tu vois. En fait, fait, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que t'as des images de Batman dans les photos des gâteaux, en fait. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, après, de la part de mon autre sœur Charlotte, que j'embrasse aussi, j'ai eu deux coffrets South Park. La saison 2 et la saison 5, elle m'a dit comme ça, si t'as un si tu te sens pas bien en Belgique, tu regardes South Park et tu penseras à moi. Voilà, donc c'est gentil. Et ensuite, j'ai eu un mug, pareil, de mon autre sœur, Avengers. Donc dans ce mug Avengers, j'ai le kit de survie, c'est-à-dire que j'ai deux barres de chocolat Captain America. Je vous jure que c'est pas des conneries. Si vous voulez, je vous enverrai une photo Facebook. J'ai un porte-clé avec un onomatopée qui fait screen, tu vois. Et ça sera, elle m'a dit, ça sera ton premier porte-clé pour mettre ta clé de ton appart en Belgique. Wow. Et voilà, puis après de la thune et c'est tout. Voilà. Et toi, l'infernal, la France écoute, aussi se pose la question, qu'est-ce que t'as eu? Oh ben moi j'ai eu un superbe sweat jaune que j'arbore fièrement, qui est toujours pas lavé depuis le soir de Noël. Depuis deux semaines. C'est ça. Et puis j'ai eu le Faucon Millenium en Lego aussi. Bravo. Alors là je t'applaudis. Ouais, moi aussi je m'applaudis. Non franchement, alors, j'ai toujours pas eu le temps de le monter. J'en suis même pas à la moitié, je crois. C'est en cours. C'est en cours. J'enverrai une photo aussi. Je suis comme un dingue. Ça fait trop plaisir. Ça faisait 1000 ans que je me le rêvais. Et donc c'est fait. Voilà, je suis hyper content. Et puis moi pendant deux semaines j'ai joué à pas mal de trucs. Alors la semaine prochaine on testera deux jeux. On fera Gun Gore and Cannoli et Fat Princess. Donc c'est deux jeux hein, qui sont bien cool, qui sont à télécharger. Gun Gore and Cannoli, ça me fait vraiment kiffer. C'est un petit jeu en 2D où on incarne un espèce de je sais pas de flic, de détective privé un peu. Ouais. À l'époque de la Prohibition. C'est un peu en bande dessinée graphiquement, ça rappelle vachement Le Soldat Inconnu. D'accord, tu te rappelles okay, ça, c'est exactement le même style. Puis on rentrera plus dans les détails la semaine prochaine. Et puis Fat Princess aussi. Alors si tout se passe bien, normalement ce soir, juste après l'émission, on vous fait un stream avec Mr Bibin justement sur Fat Princess. S'il écoute, si tu pouvais me confirmer mon poulet en direct. Voilà, donc on fera un stream dessus. J'ai profité aussi un petit peu de la vague du rétro gaming, pas du rétro gaming, mais de la rétro compatibilité. Ouais. Je me suis refait Max Payne 3, mais sur PS3 du coup. Voilà. voilà, ça faisait un moment que je m'en rappelais plus et je l'ai retrouvé à 5€, donc je l'ai refait. Et c'est un jeu qui est très bon, ouais. Assez vide au final niveau contenu. En fait, en le refaisant, je me suis dit putain, mais on alterne vachement des phases de tir, ensuite de promenade. Mm-hmm. C'est assez contemplatif, mine de rien, comme jeu. Ouais. On se promène beaucoup. Il y a beaucoup de passages où il parle, où il pense même. D'ailleurs, un gros big up hein, à Rockstar. C'est une très bonne idée, les sous-titres écrits en gris. C'est vachement bien. Ça m'a niqué mes petits yeux. J'étais obligé de jouer avec des demi-lunes. Tu te rends compte, à mon âge. Donc ça... grosse découverte aussi sur Warframe qu'on est en train de saigner à moitié. On se régale pareil. Oh avec oui. Bibine. Tiens, j'avais dit que je ferais une dédicace à Alex. Tiens, Alex qu'on a rencontré ce matin sur un stream. Voilà, la dédicace est faite. Bisous mon poulet. Du coup, ouais, qui nous a bien expliqué des choses sur Warframe, parce que mine de rien, c'est un jeu qui est hyper complexe. C'est un petit peu... Alors, il y a beaucoup de similitudes avec Destiny, mais c'est un petit peu ce qu'on aurait aimé trouver dans Destiny. Niveau contenu, niveau profondeur, c'est absolument hallucinant. Il y a des tonnes et des tonnes de choses à faire. Les Warframes, c'est des armures. On peut en ramasser, mais il y en a une trentaine. Il faut ramasser des schémas pour les fabriquer. C'est un free-to-play en plus. Tout le jeu est totalement gratuit. Ouais. Si tu veux avancer beaucoup plus vite et t'acheter une armure toi, ben rien ne t'en empêche avec ton vrai argent. Mais si tu veux la gagner par toi-même, il faut que tu ramasses des schémas, donc le casque, les jambes, les bras, hein. Tu les fabriques, il faut des ressources que tu trouves sur des planètes qui se lootent, donc qui se ramassent sur les gens que tu t'élimines, quoi. Mm-hmm. Franchement, c'est top. Graphiquement, c'est pas un foudre de guerre, même si la direction artistique est vraiment classe. Warframe, franchement, c'est un bon délire. Et je fais une dédicace, alors je pense pas qu'ils écoutent, ça m'étonnerait, mais à Baba et Keke de la Fnac, qui ont vachement insisté pour que je les rejoigne, et c'était une très bonne idée. Ça revient un petit peu au fait que je jouais à Max Payne sur PS3, c'est que je commençais à trouver un petit peu le temps long sur PlayStation 4. Ouais. Sincèrement, voilà, le truc c'est qu'avec la radio, on a testé beaucoup de jeux, si ce n'est tous les jeux boîtes presque qui sont sortis cette année. Même tous les jeux qui sont en solde sur le PSN, tu vois. C'est ça. Moi je regarde à chaque fois, je fais, ouais, j'ai déjà fait. Tu vois, il y a C'est la demi-molle pour l'instant. Donc. Après, voilà, il faut se mettre aussi à la place. On n'est pas là à se la raconter ni rien. Non, un utilisateur lambda, tout le monde peut pas se permettre de jouer 6-7 heures par jour. Non, c'est sûr. On a un petit peu, voilà. Mais non, c'est vrai, ça a commencé un petit peu. Et donc, Warframe tombe à point nommé, je trouve. Et donc, arrive pile poil. Donc ça fait plaisir. Ensuite, je vais vous raconter une petite mésaventure. Alors, j'espère qu'elle nous écoute ce soir. J'ai oublié son prénom. Elle nous appelait de Lyon. Elle avait gagné Zelda il y a deux semaines pendant l'émission de Noël. Oui. Et en fait, du coup, j'envoie tous les jeux par la poste. Et genre le lendemain, je reçois un recommandé. J'étais là, bon, ok, c'est Noël. Peut-être que je ne sais pas qui ça peut être, mais quelqu'un m'envoie un recommandé. Et donc moi, étant en train de bosser, ma chérie va le chercher. Ouais. Et elle me dit, putain, c'est bizarre, c'est ton écriture sur la truc. Et en fait, j'ai inversé expéditeur et destinataire, et donc je me suis envoyé le jeu tout seul. Voilà. Donc, si tu écoutes, en plus, elle est pas sur Facebook, donc je n'arrive pas à la joindre. Mais ton jeu arrive. T'inquiète pas, c'est Zelda Wind Waker HD. Donc ton jeu arrive. Et puis tiens, je vais vous raconter aussi une petite blague qui m'a fait rire. Enfin, une blague, une connerie. On a été au Meltdown pour la soirée du Nouvel An, et donc il y avait Anthony avec nous. Anthony, c'est celui qui faisait les coups de fil du PNJ dans le courant de l'année. Et en fait, d'ailleurs, le Meltdown, le 26, on est en direct de là-bas. On fait l'émission en direct du Meltdown. J'espère que ça marchera mieux techniquement que là. Et en fait, dans le bar, ils ont mis à disposition SingStar. Donc il y avait chacun, tous les petits geeks qui faisaient la queue pour chanter leur chanson. Et entre chaque chanson, évidemment, il y a un cumul de points avec un son bizarre, un machin comme ça, oui, machin. Oui, oui, oui. Il y a un blanc, il y a ensuite tu changes, tu tournes les pages. Et donc ça balance, ça met des extraits juste de quelques secondes de chaque morceau pour le choisir, évidemment. Mmh. Ensuite tu choisis ton morceau et tu le chantes. Et genre, Anthony me regarde, premier degré de ouf. Il me fait, non mais sans déconner, c'est quoi ce bar, quoi? Le DJ, il est nul, quoi. Je te jure. Je lui fais, non mais il n'y en a pas de DJ. Tu vois bien que c'est faut choisir sa chanson. Et il comprend pas. Je vois dans ses yeux qu'il... Et il va voir Laurent, qui est avec nous mardi. Il lui dit, non mais sans déconner, dans ton bar, il y a gros souci avec le DJ. Faut le virer, quoi. Et mais, premier degré de ouf, quoi. Et donc, il n'avait pas compris. On l'embrasse, Anthony, oui. Aussi. Bref, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se faire les news, jeux vidéo de la semaine. On va se faire un petit point sur les sorties qui nous attendent jusqu'en juin. J'ai noté juin parce qu'après il y a rien de sûr et tout. Y en a quelques-uns qui sont toujours dans le flou depuis des années. Je pense justement à The Last Guardian. Bref, on verra. Non, mais on critique pas parce que celui-là j'attends. Ah non, mais je critique pas. C'est juste qu'il a pas de date, donc voilà, il est anti-daté. Comme on dit. Bah ça fait 10 ans hein, donc c'est 11 ans maintenant, 11 ans. On va se faire ça et puis après 20h, on va se faire un petit point aussi sur Trine, puis on va se faire le test du 3 que moi j'ai bien aimé même s'il y a un gros truc qui me chiffonne. Ouais. Je vous dirai ça tout à l'heure. Et puis on va s'écouter du son aussi, on s'écoute Porter Robinson avec Fresh Static Snow. Yes, qui est un des pour moi d'un des meilleurs albums électro de 2015, voilà. Donc oui, yes. Eh ben écoute, ça le fait. Et puis on va s'écouter un son, tiens, que c'est Eiki qui l'a choisi. C'est Flume and Chate Faker, si je dis pas de bêtises, avec Drop the Game. Exactement, peut-être, je ne sais pas. Donc. Alors attention, ça a l'air d'être assez mood là. Bref. Bon, on verra. Non, mais ça va être. Fais confiance à Eiki. Mais carrément. Ça va être du bon son pour faire des câlins. Et puis, bah voilà, on est sans nouvelles. Bon, Dandy, lui, j'étais au courant qu'il serait pas là parce qu'il est retourné dans sa campagne. Oui. Donc, énorme. Tu sais, là, pour le coup, c'est vraiment isolé. Il a même pas de téléphone. Ouais, Même pas le joindre par téléphone. Il a même pas un couteau suisse, pour vous dire. Eh ben, c'est normal vu qu'il est pas en Suisse. Ah ouais, bon, il est en Dordogne. Il faudrait un couteau d'ordonnier. Dordonien. T'as la musique des news. Allez, c'est parti. Allez, eh bien écoute, je vais commencer. Eh, attention, le choix de cette news est très importante. Comme on dit, la première chose, la chose qu'on fait pour la première fois, oui, en début d'année, fixe un petit peu le ton du reste. Donc il faut que tu choisisses ta bonne news, c'est celle qui va donner un petit peu le ton de tout l'univers jeux vidéo de l'année. Alors, sachant que c'est en rapport avec le cinéma, une licence que j'ai parlé il y a quelques instants, donc je vais commencer par une très bonne news quand même. Je vais vous parler quand même de Star Wars. Bon, ça va. Voilà, donc comme vous savez, on a l'overdose depuis quelques mois à travers les produits dérivés, les bandes annonces, les spots TV, le film qui est sorti le 16 décembre et qui fait un gros carton. Ça a été l'un des meilleurs démarrages en France. Et mondialement, ben on s'y attendait, il a atteint le milliard. C'est hallucinant quand même. C'est de recettes donc. De recettes. Déjà de base, il avait eu 50 millions de l'art de recette avant que le film ne sorte. Non mais alors ça c'est encore pire. Hein. Tu te rends compte? Donc 50 millions, c'est spot TV, c'est tout ce qui est bande annonce, c'est tout ce qui est produits dérivés. Voilà, c'est un tout commercial. Il y a eu aussi 500 000 ventes de pré-ventes de tickets en France parce que oui, français que nous sommes, nous avons eu l'exclusivité, c'est-à-dire qu'il est sorti avant le reste du monde, c'est-à-dire le 16 décembre. Et du coup, il y a eu 500 000 pré-ventes en tickets et ce dernier a dépassé les ventes de 51 degrés. Bon, en même temps, voilà, vu j'ai toujours pas vu ce film. Ça me tente pas. J'ai lu un chapitre et honnêtement, c'est j'étais tout excité. Honnêtement, vaut mieux regarder du Brothers que lire 51 degrés quoi parce c'est que vrai. Lisez 51 degrés et vous verrez après. Mais moi, je me suis trompé parce que je sais pas, je lisais le livre et puis, puis c'était un chagrin d'amour. Non, en fait, j'ai lisé 50 nuances de Félix Gray, moi. D'accord. Rien à voir. Tu veux expliquer qui c'est Félix Gray pour génération 2007? Non. D'accord. C'est comme M. Pokora, mais des années 80. Ouais, mais M. Pokora plus tard, quand il aura plus de cheveux comme moi. Mais voilà. Donc du coup, pour revenir sur ce Star Wars là, je vais vous dire. Le calendrier des films Star Wars. Ah. Voilà. Là, maintenant, on le connaît. Donc, le 14 décembre 2016, retenez bien les amis, il y aura le premier Star Wars Anthology. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des spin-offs qui vont se diriger dans l'univers Star Wars. Et ce premier spin-off va s'appeler Rogue One et va parler, en fait, comment, l'Alliance Rebelle a piqué les plans de l'Étoile Noire, c'est-à-dire qui se passe pendant l'épisode 4, Le Nouvel Espoir. C'est réalisé par Gareth Edwards. Alors, de nom, ça vous dit rien, mais c'est celui qui a fait le Godzilla, le dernier Godzilla qui est sorti en 2013-2014 avec Bryan Cranston qui jouait Heisenberg. Ensuite, le 26 mai 2017 sortira Star Wars l'épisode 8, dont dans quelques jours le tournage va commencer. On aura les premières photos officielles et ainsi que le nom de la suite du Réveil de la Force. Il sera pas réalisé par J.J. Abrams. Il sera réalisé par Rian Johnson, celui qui avait réalisé Looper avec Bruce Willis. Ah bah, il est passé hier soir à la télé, tiens. Voilà, donc du coup, c'est un film de spatio-temporel. Ouais, c'est space. Hein. C'est l'histoire d'un flic, en fait, et il se rend compte que il doit buter son... Lui, 20 ans plus tard, je crois. Ouais, Looper, en fait, dans l'idée, c'est... ils ont trouvé un moyen de voyager dans le passé, ou enfin dans le temps. Ouais. Et en fait, les condamnés à mort, ils sont renvoyés à une certaine époque, bon, je sais plus trop laquelle, mais et en fait, il y a quelqu'un qui les attend à un endroit, et dès qu'ils apparaissent, paf, il les tue. Et ensuite, ils font disparaître leurs cadavres. Sauf que lui, il arrive à se sauver, donc il se retrouve dans l'autre, dans l'époque, c'est assez space, quoi. Ouais, je l'ai pas vu, mais honnêtement, il a eu de très bonnes critiques. Après, ça me fait chier un tout petit peu que le fait que ça soit pas J.J. Abrams qui fasse la suite, qui fasse aussi... Et lui aussi, hein. Voilà, oui, et qui fasse clairement la trilogie, parce que je vous rappelle que vraiment, le dernier, bon, on n'y est pas encore, mais le dernier Star Wars, c'est celui qui a fait... celui qui va réaliser, celui qui a fait Jurassic World. Donc, je ne dis pas qu'il y aura des motos et des raptors dans ce Star Wars, hein. Mais voilà, ça me fait un petit peu peur. Donc, pour revenir, le 26 mai 2017 sera Star Wars, l'épisode 8, et on fêtera en même temps les 40 ans de la saga. 40 ans déjà, vous vous rendez compte? Ensuite, le 25 mai 2018, c'est le second spin-off Star Wars Anthology qui sera dédié à Han Solo. Donc, le biopic de Han Solo. Alors, qui va prendre le rôle d'Harrison Ford? Qui va jouer la jeunesse d'Han Solo? On sait juste que pour l'instant, on connaît pas encore d'acteur. Il y a eu des bruits de couloirs comme quoi ça serait peut-être l'acteur qui a joué Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Bradley Cooper Aaron Paul, c'est ça, ouais. Exactement, Aaron Paul. Mais rien n'est sûr pour l'instant. Donc ça raconte la jeunesse de ce personnage-là, comment il est devenu contrepondier, comment il a rencontré Chewbacca et Lando Galerician, et comment il a acquis le Faucon Millennium. Eh ouais, pas mal. Voilà, ça va raconter un petit peu ça. Et ensuite, en 2019, ça sera l'épisode peut-être final, parce que franchement, Star Wars, c'est un univers tellement étendu que tu peux renouveler sans cesse. Donc 2019 sera l'épisode final de Star Wars, donc l'épisode 9. Il sortira en 2019. Et ensuite, le dernier Star Wars Anthology, ça sera sur la biopic de Boba Fett, donc le chasseur de primes qu'on voit à partir de l'Empire Contre-Attaque. Jusqu'en 2020, vous allez bouffer du Star Wars presque tous les ans, quoi. À partir de 2016, il y en aura un tous les ans. Voilà. Donc que ça soit des spin-offs, et ça j'ai bien aimé, parce que quand Lucas a été racheté par Disney, je m'attendais à des films d'animation, tu vois, à la Clone Wars et tout. Et moi, je voulais des spin-off, tu vois, qui racontaient, mais voilà, comment ils ont volé l'étoile noire, sur un truc sur Kenobi. Et j'aimerais bien qu'ils fassent un biopic, mais sur Yoda, quoi. Oui, c'est vrai. Parce ouais. On sait très peu de choses sur Yoda. On sait juste que voilà, il s'est exilé sur Dagobah suite aux événements dans la prélogie. Mais moi, j'aimerais bien comment ce personnage est arrivé là, tu vois. Bah, après, voilà, pour eux, ils vont peut-être l'explorer aussi. Enfin, une fois qu'ils auront fini en 2020, ouais. Ils vont se dire bon, là, on a plus de thunes. Bah, non, on mais a dépensé vrai, ouais. Tout notre argent parce qu'on a fait 6 films, ça fait 6 milliards. De dollars par film, enfin non, 6 milliards à chaque fois. Mmh. On a tout claqué en parc d'attractions, hein. On va faire pareil, mais sur d'autres personnages. Ouais, bah je pense que ouais, ils vont faire ça. Et après, donc une autre news qui est en rapport avec Lucasfilm, c'est que voilà, ça y est, il y a Indiana Jones 5. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, qui aurait des bruits de couloir pour un cinquième épisode. Et bien ça y est, c'est confirmé par le PDG de Walt Disney. Il a lâché comme ça en conférence de presse, Indiana Jones 5, ok, c'est en préparation. Mais voilà. Avec du face tracking, comment ils vont faire? Parce qu'Harrison Ford, franchement, alors il semble, alors Harrison Ford sera dans ce cinquième épisode et ça servira de passage de flambeau. Et il semblerait que ça serait Chris Pratt qui remplacerait Harrison Ford. On ne sait pas encore si c'est Spielberg qui va réaliser, mais vu les dernières interventions, il a dit clairement qu'il serait tellement chaud de le faire avec Harrison Ford, parce que ses acteurs chouchous, c'est Tom Hanks et Harrison Ford. Ben oui, oui, oui. Et puis voilà, c'est le vrai indie, quoi. Ah ben oui, oui, bien sûr. Et du coup, il sortira en 2018. On connaît pas la date exacte, mais sachez que 2018, ça sera l'année de Lucasfilm. D'accord. Voilà. Eh ben ils sont pas prêts de ranger la planche à billets. Non, c'est sûr. Et puis c'est Disney en même temps. Hein, donc, Ouais, non, mais carrément. Mais bon, au final, les films sont de bonne qualité. Ah, mais quand tu vois le voilà. Réveil de la Force, tu peux te dire, ouais, carrément. Moi, j'attends c'est ça. Pas, ouais. C'est pas des nanars, quoi. C'est clair. Yes. Alors, si vous jouez sur PlayStation 4, PlayStation 3 et Vita, hier soir, eh bien, vous avez dû avoir une bonne surprise à partir de 17h et ce jusqu'à, je sais pas trop quelle heure, jusque tard dans la nuit ou tôt ce matin, ça dépend comment on voit les choses, car il y a eu une maintenance sur le PSN. Alors, maintenance, hein, évidemment, c'était pour cacher sûrement la vraie raison de ça, sachant que les maintenances sont toujours annoncées au moins 2-3 jours à l'avance. Donc est-ce que ce sera encore un coup d'Elizar Squad, les fameux donc hackers suédois? Pour l'instant on n'en sait rien, je pense qu'ils mènent l'enquête. Moi je voulais juste faire une parenthèse et parler vraiment des haters et de l'attitude des gens en règle générale sur les ouais. réseaux sociaux. J'ai passé une soirée hier, mais j'ai halluciné. En fait, j'étais sur le Twitter de PlayStation France et ça a été mais un raz-de-marée d'insultes. Mais hallucinante, je t'assure. Franchement, je voulais en noter et tout, mais enfin voilà, je peux même pas les lire ici, quoi. C'est, enfin franchement, j'ai halluciné. C'était remboursez-nous à base de ouais FDP. Comment je vais jouer à FIFA ce soir alors, boucher les oreilles des enfants. Mais j'ai lu des tweets. C'était genre putain, moi qui avais prévu de baiser des mères ce soir sur Call of. Enfin, tu vois, c'était que des trucs comme ça, quoi. Hallucinant, quoi. Et c'était mais des centaines et des centaines de tweets assassins de genre ouais non mais PlayStation poubelle tous chez Xbox One, alors que Xbox a eu le même problème la semaine dernière. Bref, mais enfin c'était hallucinant, quoi, franchement. Et ça m'a fait beaucoup de peine, franchement. J'ai adoré les gens qui disaient ouais mais on paye, remboursez-nous, au prorata si tu veux. Tu payes 49€ à l'année, hier soir t'as perdu 13 centimes, quoi. Bah oui, oui, non, enfin voilà. Mais tu vois clairement un petit peu après je connais pas l'orage, mais quand tu vois les retweets et les tweets qu'il y a eu, tu vois le profil un petit peu des personnes, clairement. Quoi, tu vois, enfin bon bah après voilà, c'est même ton jeune, j'étais pas comme ça non plus, mais moi de toute façon les réseaux sociaux ça existait pas, donc il fallait qu'on écrive une lettre avec un timbre et qu'on envoyait ça au magazine Picsou Magazine. C'est vrai. Bon, les réseaux sociaux c'est aller au tourniquet ou traîner dans le hall avec les copains dans la résidence. C'est ça. Voilà. Mais Tug Life, quoi. Ouais, c'est exactement ça, mais voilà, tu vois vraiment la génération instantanée, quoi. Tu vois, ah quand ouais. ça va pas, mais ça clash direct, quoi. Tu ah vois. Ouais. Et, franchement, j'ai halluciné. Non, mais moi pareil, j'ai regardé aussi sur Facebook, sur Sony PlayStation. Je voyais des trucs, mais c'était abusé. Il y en a qui mettaient des images et tout, qui cassaient leur PlayStation 4. Je dis, ouais, mais t'es un peu con, parce que si t'envoies le message que t'as cassé ta PlayStation 4, enfin, fait. Ouais, voilà, c'est juste, voilà, j'ai vraiment halluciné sur les messages qui étaient tout en retenue, hein. Et c'est des gens qui étaient a priori beaucoup plus. Alors par contre, ouais, y en avait des drôles que je vous dirai dans un instant, mais les gens avaient l'air beaucoup plus concernés par cette panne et ont été beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux que pour ce qui s'est passé cette année, par exemple. Sans citer des d'actes un peu effroyables, on dirait. Voilà. Enfin, tu vois, j'ai halluciné, quoi. Ouais. Comme quoi, les jeunes ont des priorités, a priori. Mais après, il y a eu des messages qui étaient assez drôles, des tweets qui m'ont fait rire. Genre, c'était panne du PSN. Ah, bah, les filles de France vont pas comprendre ce qui se passe ce soir. Ah oui. Tu vois, genre, il y en a qui dit, ah, bah, le PSN est en panne. Ah, bah, falloir que je parle avec ma copine, alors. Tu vois, il y avait des trucs comme ça, quoi. Donc ça, c'était marrant. Bon, bref, je clôture ça, mais en tout cas, ça m'a vraiment énervé et fait de la peine, surtout pour voilà Sony qui au final, ça va, c'est 50 euros à l'année, voilà. Quand tu travailles, tu le sens pas passer. Non, c'est clair. Et puis, voilà, nous fais pas chier, quoi. Ouais, ça a pas duré 24 heures, quoi. Ça durait juste que quelques heures. Ça va. Donc après, il faut, enfin voilà. Bande de petits merdeux là. Non, mais hein, c'est ça. Bon, bref, allez, vas-y, enchaîne. Alors cette fois-ci, pas de cinéma, je vais vous parler de Far Cry Primal, l'un des jeux les plus attendus de 2016, qui, je vous rappelle, sort le 23 février sur One, PC et PS4. Et on va revenir un petit peu sur la création de ce jeu. Comme vous savez, à chaque fois Ubisoft et une grosse équipe de direction artistique, on les voit dans les Assassin's Creed, ils s'imprègnent vraiment de l'univers, que ça soit dans les chansons, que ça soit vraiment dans le mode de vie. Et bien là, pareil pour Far Cry Primal, à un tel point aussi sur le langage. Est-ce qu'ils vont retrouver des musiques d'époque comme dans comme dans les pierres à feu, je sais pas. Mais voilà, en fait, dans l'équipe créative de Far Cry Primal a été interviewée il y a quelques jours en fait, et ils ont dit que le langage serait un point important, parce que voilà, on est dans la préhistoire, on va pas parler comme ça va parler ingaongengongongo, tu vois, enfin oh, voilà. La vache, tu le fais trop bien. Voilà, moi j'ai regardé l'Odyssée de l'espèce quand j'étais petit. Ça, c'est un autre profil, ça. Mais du coup, voilà, en fait, si vous voulez, il y aura trois langages et avec un accent bien spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des... si vous avez une manette avec un haut-parleur, il semblerait qu'il y aurait des phases avec ces langages-là. Ces langages-là vont vous permettre aussi d'appréhender une situation, que ça soit avec d'autres peuples ou avec des animaux, ou aussi, tout simplement, de dompter des animaux. Donc, par exemple, tu vas pas prendre l'accent corse pour adopter un mammouth, quoi, tu vois. Enfin, tu vas prendre, non, mais là, je suis en train un petit peu de troller. Grosse population de mammouths en, voilà, Corse, à cette époque-là. Hein. On les embrasse, les Corses, surtout en ce moment. Mais oui. Mais, voilà. Donc, du coup, moi, je trouve ça assez cool parce que moi, je m'attendais vraiment juste à un spin-off, tout simplement. Mais là, on voit qu'ils vont vers d'autres directions, tu vois. Donc, la fonction vocale, ben, pourquoi pas, c'est pour avoir une immersion encore plus sur, l'âge préhistorique, bah j'attends patiemment le 23 février 2016. Je sais pas. Ouais, carrément, mais c'est ce qu'on se disait hors antenne là juste avant. Je sais pas, la caméra, elle a un micro dessus, c'est sous-exploité, quoi. Ça, t'imagines si Far Cry Primal, par exemple, on pouvait, je sais pas, peut-être que j'hallucine un peu, mais pas, ouais, parler aux personnages, mais on gangue. Ah oui, non mais pourquoi pas. Franchement, je sais pas, ça pourrait être marrant, quoi. Ça serait hyper cool. Et Kao, non, tu vois, enfin, ouais, voilà, tu vois. C'est vous l'aviez vu, quoi, il a fait les mouvements et tout. Ah oui, non mais moi je m'imprègne, je fais la danse de la pluie si tu veux. Mais Olima, choc t'il est. Voilà, t'as que les geeks qui comprennent en vrai. On va parler comme ça pendant tout le long de l'émission. Voilà, donc du coup 23 février 2016. Et donc, ben moi je l'attends assez. Et en plus, a priori, c'est pas un spin-off, hein, comme Blood Dragon ou quoi. Ce non, sera non, un Far Cry à part entière. Ouais. Mais la com a été assez particulière dessus. On n'en sait pas des masses, quoi. C'était hyper tardif. Il y en a eu très peu aussi, hein, très peu de com. Moi je m'attendais vraiment, parce que c'est une des licences phares avec Assassin's Creed et Splinter Cell quand même. Et il y a eu très peu de communication, très peu de marketing. Alors après, peut-être qu'en fin janvier, début février, il y aura la grosse communication. Mais pour l'instant, voilà, ça reste très silencieux. Peut-être que ça veut dire que c'est un très très bon jeu et qu'ils ont très bien travaillé pour une fois. Mais voilà, carrément. Et puis moi, l'univers me botte à mort. Exactement. Et je crois que t'as une news sur Ubisoft, il me semble. Eh ben, on la fera juste après le Scud. Ah, ça a été un bel enchaînement par rapport à ma news. Mince. Ouais, ça va être une news rapide. Allez, vas-y. Alors voilà, c'est juste une rumeur, mais Watch Dogs 2 sortira en 2016 et se passera à San Francisco. Voilà, c'est juste une rumeur, on sait rien de plus. Moi, ça me botte bien. Je sais que moi, j'avais bien aimé Watch Dogs quand même. Puis j'aime beaucoup, enfin la manière dont ils représentent les villes. Ouais. Le premier se passait à comment ça s'appelle ? À Chicago. Chicago. Alors après, San Francisco, dans le délire du hack, ce qu'il faut savoir, c'est que si la ville de Chicago a été choisie dans Watch Dogs 1, c'était pas par hasard. C'est une ville en fait qui a souffert, enfin qui a subi plutôt n'importe quoi, qui a subi un incendie assez hallucinant. Alors je sais plus quand exactement, mais qui a été reconstruite à neuf. Et en fait, Chicago, c'est la ville la plus surveillée et la plus électronique entre guillemets du monde, de par ses caméras, son système de surveillance, son système électronique. Et donc voilà, c'est une ville de choix pour un jeu sur le hack. Au final, donc après San Francisco, qu'est-ce qu'ils vont bon, ils vont sûrement un peu tricher par rapport à la réalité, mais Chicago avait été choisi pour ça parce que c'était une des villes les plus fliquées des États-Unis. Bah après, si c'est ça part sur un côté Silicon Valley et compagnie, pourquoi pas, hein. Bah ouais. Donc on verra bien. Watch Dogs en 2016, ce serait cool. Sachant que juste en revenant du Scud, on a eu aussi une news sur Assassin. Sachant qu'Ubi aura la place libre en 2016 pour un peut-être. On verra bien. Bon, je vous en dis pas plus. Ouais. Mais voilà, ils ont la place libre pour 2016. Ils ont pas de grosse sortie en fait. Bah tant mieux. Donc ce serait judicieux de leur part. Allez, il est 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek. Rebonne année à vous. Ce soir, équipe réduite, je suis juste en compagnie de Goustic. Mais c'est pas grave, nous on est des bons quoi. Exactement, c'est la famille. C'est la famille, mon copain. Parce que s'ils reviennent pas la semaine prochaine, je leur fous la calotte de ses morts. Voilà, allez, mets le son. C'est exactement ça. Allez, il est 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Audio Radio. Et nous on revient juste après Porter Robinson. Exactement. Vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez sur 91.3, 91.3. We'll be right back. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Allez, on est de retour. On est toujours en direct, hein. En petit comité. Oui. C'est on peut, ça. On peut dire ça, oui. Allez, je renvoie la musique des news et puis on finit les quelques petites brèves qu'on a avant de se faire un petit point sur les sorties de l'année. Alors ouais, on en parlait juste avant le Scud, hein, c'était Porter Robinson. En fait, on parlait d'Assassin's Creed. Oui. Assassin's Creed. Ouais. Donc a priori, il y aurait pas d'épisode en 2016, mais en 2017 qui se passera en Égypte. Ben j'ai envie de dire tant mieux. Ah. J'ai envie de dire tant mieux parce que à partir de je crois du Brotherhood ou du 3, il y a eu un Assassin's Creed par an et on s'est vite rendu compte que la qualité n'était pas souvent au rendez-vous suite au problème des bugs et notamment par rapport à Unity où il y a eu 5 patchs de 20 gigas déjà le jeu en lui-même faisait 50 gigas donc moi j'avais acheté une PS4 à l'époque en même temps que Unity. Eh ben, le jeu, il me faisait 100 gigas, quoi. Oh, putain. Voilà. Donc, je te raconte pas avec les DLC et compagnie. Mais, Mais je suis plutôt content qu'ils mettent en 2017. Comme ça, peut-être qu'ils ont compris. Peut-être qu'ils ont eu les retours de la communauté. Parce que je pense que tout le monde n'est pas unanime qu'ils sont d'accord qu'ils sortent un Assassin's Creed par an. Et puis c'est pas plus mal pour l'Egypte parce que, dans certains épisodes, il y avait des pistes sur d'un éventuel Assassin's Creed en Égypte. Et d'ailleurs, l'ancienne directrice artistique qui était Jade Raymond, qu'on embrasse, qui a démissionné il y a 2 ans, voulait un Assassin's Creed en Égypte. Ça s'y prête bien. Tout le monde voit. Alors, comment ils vont nous faire un saut de la foi du haut d'une pyramide? Parce que vu la forme que ça, si tu sautes, faut prendre de l'élan quand même, hein. J'avoue. Mais tout est possible avec Ubisoft. Mais il y avait quelques pistes pour l'Égypte, notamment dans Unity et dans Dead Kings. Ça fait un an qu'il est sorti, donc je peux un tout petit peu spoiler. Vas-y, on s'en fout. À la fin de Dead... J'ai pas la trompette alerte au spoil, je l'oubliais. C'est pas grave. À la fin de Dead Kings, en fait, si vous voulez, quand vous avez terminé la mission d'aller dans les reliques de Saint-Denis, en fait, il y a le marquis de Sade qui vous dit, en gros, ces reliques que tu as prises, en fait, on va les amener en Égypte. Mais il dit, où en Égypte? On va les amener en Égypte à Al-Mualim. Et Al-Mualim, en fait, c'était le mentor de Altaïr dans le premier Assassin's Creed, en fait. Putain, mais tu t'en rappelles de tout ça? Ouais, exactement. Bah, t'es un ouf, toi. Ah, mais Assassin's Creed, moi, ça m'a marqué, hein. J'ai eu les meilleures notes en histoire de l'art, avec ces... Je te jure, hein. Sur la Renaissance italienne. Mais je te sortais des noms, la famille Médicis, machin et tout, je savais, enfin, le monument. Mais j'ai eu des putains de notes, hein, en histoire de l'art. Eh ben, comme quoi, tu vois, le jeu vidéo, mine de rien. Mais c'est reconnu aussi par les historiens, hein. Clairement. Enfin voilà, quand ils font un projet Assassin's Creed, c'est pas fait avec deux doigts dans le cul et compagnie, hein. C'est vraiment il y a tout un staff, il y a toute une direction artistique. Ils emploient des historiens aussi. Enfin voilà, le travail de recherche d'histoire est vraiment à 100%, quoi. Et même il y avait un historien sur Europe 1 qui présente une émission de 13h à 14h. Notamment, il avait fait une émission sur France 3 et il s'est inspiré des artbooks de Ubisoft pour Assassin's Creed Unity. Ah pour ouais. Appuyer ses arguments dans l'époque de la monarchie et il disait que ces jeux-là ont vraiment une source de culture et un savoir assez universel, chose que avaient peu les bibliothèques. Donc voilà, du coup, il est plutôt pour les jeux vidéo dans ce genre-là. Eh ben écoute, en plus, on sait que ce sera donc en 2016. L'arrêt total de la série. Ouais. Et en 2017, ils repartent sur des bonnes bases plus saines. Mmh. Donc ce serait une nouvelle trilogie, donc en Égypte, à Rome et la troisième, je sais plus, je l'ai noté, mais mon téléphone rame tellement que il y a pas de souci. Voilà. Et on sait qu'il se rapprochera plus d'un The Witcher. Bah c'est pas plus mal s'il y a des phases de dialogue. Carrément. Ça pourrait être très intéressant puis avoir aussi sa propre histoire d'Assassin's Creed. Donc s'il joue dans la The Witcher, donc il y aura des dialogues très importants. Et puis aussi il faut savoir qu'en 2016 aussi, bah il y aura le film Assassin's Creed. Et oui, donc au final, ils peuvent se passer peut-être d'un jeu pour cette année vu qu'il y a un film, on n'oubliera pas la licence comme ça, quoi. Non, c'est sûr. Et puis dans la liste des jeux, il y a 2 Assassin's Creed qui arrivent en 2016 mais qui sont pas un gros projet mais qui restent de très bons jeux vidéo. Voilà, donc du coup moi j'attends, je suis plutôt content qu'ils, voilà, qu'ils prennent leur temps pour ce prochain Assassin's Creed, et si ça donne une nouvelle bouffée d'air frais à cette licence, ben tant mieux, et elle mérite vraiment. Voilà. Carrément. Allez, on va s'envoyer, tiens, la bande son de Train 3 vu qu'on va en parler juste après 20h. Gentiment derrière, et puis on va faire un petit peu le point sur les sorties de l'année, parce que justement on en parlait. Alors, pour ce mois, alors évidemment la liste n'est pas exhaustive, il y a sûrement des jeux que vous attendez vous très fort chez vous de l'autre côté du transistor mais qu'on n'a pas noté. Ouais. On va prendre un petit peu les plus en vue entre guillemets, ou ceux qui nous paraissaient un petit peu les plus marquants. Donc le 12, ce qu'il faut savoir c'est que le mois de janvier va être assez calme en grosse sortie. Donc le 12 on a Assassin's Creed India. Voilà. Donc le spin-off. Exactement, le spin-off. Donc en fait, alors il me semble qu'on va jouer le personnage qui est dans Syndicate, en fait. Vous savez, l'assassin indien, en fait. D'accord. Donc du coup, alors ah oui, en même temps, c'est nickel. Enfin, voilà. C'est cousu d'or, quoi. C'est ça, exactement. Donc après, voilà. Donc on va incarner ce personnage-là. Est-ce que ça va se passer? Alors moi, je n'ai pas fait la fin de Syndicate, hein, parce que tellement il m'avait marqué ce jeu. Est-ce que ça se passe avant qu'il arrive à Londres? Enfin oui, c'est à Londres. Ou est-ce que ça se passe juste après les événements de Syndicate? Ça, je ne sais pas. Mais il faut savoir que ce genre d'Assassin's Creed, moi, ça m'avait beaucoup plu parce que le China était sorti au printemps ouais, dernier, et j'avais vachement bien aimé. Voilà, c'est de la ligne droite. Bon, il y a des. C'est en 2,5D. Voilà, 2,5D. Que j'ai fini pendant je l'ai fini en 7 heures, je l'avais fait deux fois en plus parce que j'avais vraiment accroché, ça m'a rappelé le Prince of Persia sur disquette. Ouais, carrément. Et puis l'ADA toujours infaillible Ubisoft, enfin ils savent te mettre dans une ambiance, dans une atmosphère, ouais, que tu n'as pas connue auparavant. Les décors sont assez classe, ils font un peu penser à de l'aquarelle. Ouais. C'est assez beau, quoi. Et d'ailleurs, on en parlait aussi hors antenne, mais là-dessus, ils ont un petit peu abusé dans le sens où oui, ces jeux font partie d'une trilogie, donc Assez China, India et le mois prochain Russia. Et ils le sortent sous forme de pack avec les trois jeux. Ouais. Sauf que quand ils ont sorti le 1, donc China, ils ont pas dit que ce serait une trilogie. Donc au final, moi, par exemple, j'ai acheté le China, je l'ai. Ah. L'India, j'hésite un peu. Voilà, et si tu prends le Russia, enfin tu vois, c'est un peu abusé, je trouve. Bah enfin, je trouve que c'est une erreur de communication, quoi. Parce oui, que... c'est surtout qu'ils l'ont fait exprès. Oui aussi. Tu vois, regarde, un autre détail, le 19 que j'ai déjà précommandé, on vous fera des streams de la mort dessus. Ah oui. Le 19, il y a Resident Evil 0 Remastered qui sort. Ouais. Donc ça c'est un jeu voilà, moi que je vais acheter, mais c'est pareil. Le Resident Evil le 1 remastered de l'an dernier, moi je l'ai acheté aussi. Mm-hmm. S'ils avaient dit en janvier prochain on sort un pack avec le premier et le 0, j'aurais pas acheté les deux indépendamment, j'aurais pris le pack directement. Bah, c'est moins cher. Mais c'est pareil pour Quantic Dream, hein, parce qu'ils avaient sorti Beyond Two Souls en novembre pour 30 balles. Et dans un mois à peu près, un mois et demi, vous avez le pack Heavy Rain et Beyond Two Souls. Le 2 mars, ouais. Alors voilà. Moi, par exemple, c'est pareil. J'aimerais bien qu'ils sortent Heavy Rain tout seul. Ah bah non, c'est parce que Beyond Two Souls, il m'emmerde. Je l'aime moins, quoi. Ouais, je sais pas. Enfin, c'est vrai que à l'époque, on l'avait testé. Là, on était coussi-coussa. C'est ça. Ouah, coussi-coussa, comme on dit. On utilise cette expression en Franche-Comté. Ah bah écoute, ça fait un bail que j'avais pas sorti cette expression française et j'avais envie de la dire. Mais c'est ça. Ensuite, le 26, on a The Witness, le mystérieux The Witness, qui a l'air de se passer dans un univers assez chatoyant, qui fait beaucoup penser à Myst. Dans l'idée, où on se retrouve sur une île. Plus déserte, on n'en sait rien. On se retrouve sur une île, c'est assez cartoon au niveau des graphismes, et on se retrouve seul à devoir résoudre des énigmes. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant. De toute façon, on fera le test, hein, dans l'émission. Il sort le 26 janvier. Ensuite, le 27, on a Shadow of the Beast, qui est le remake d'un jeu qui était sorti sur Amiga dans les années 80. Ouais. Alors je vais peut-être me laisser tenter. Je sais pas trop. C'est un jeu qui est assez connu pour sa difficulté. Pareil, hein, qui se déroule en 2,5D exactement comme Assassin's Creed. Donc les deux spin-off à voir, pourquoi pas. Et puis le 27, on a aussi Lego Marvel Avenger, qui est la plus grosse sortie du mois. Celui-là, on en fera le test aussi, bien sûr, hein. Tous les jeux que je vous cite là, de toute façon, ils seront testés dans l'émission. Donc le 27, Lego Marvel Avenger, on verra. Moi, je commence un petit peu à me lasser. J'ai un assez mauvais souvenir de Lego Jurassic World, je te cache pas. Donc bon, on verra. Ensuite, le 29, ça c'est un jeu qui t'intéresse beaucoup, Poulet. Ouais. C'est This War of Mind. Ouais, This War of Mind. Alors à la base, c'était un jeu qui était sur PC, qui était sorti en novembre 2014. Et donc là, ils le ressortent sur One et PS4. Et en fait, en gros, donc c'est un... Alors apparemment, c'est inspiré de faits réels lors d'un conflit dans les années 90. Donc dans les pays de l'Est. Et en fait, le but du jeu, en fait, si vous voulez, c'est... donc il y a un côté survival horror. C'est-à-dire que vous vivez dans un endroit où il y a la guerre. Donc c'est en noir et blanc en plus. Hein. C'est en noir et blanc. Je crois qu'il y a quelques phases de couleurs. Donc la bande-annonce, regardez vraiment sur YouTube ou d'autres supports, c'est vraiment intéressant artistiquement. Donc en fait, le but du jeu, c'est que vous êtes dans une maison et le jour, va falloir essayer d'éviter les snipers parce que vous êtes en temps de guerre. Donc du coup, va falloir vous offrir un chemin. Ensuite, la nuit, vous essayez de chercher de la nourriture. Et ce qu'ils ont rajouté par rapport à la version PC, c'est qu'en fait, dans la version PC, il n'y avait pas genre de diriger des enfants. Donc, vous allez vraiment diriger une famille qui est en plein conflit de guerre. Voilà. Donc, This War of Mine, moi, je l'attends vraiment. Il est pas cher en plus. Hein, il sera à 29,99€, qu'il soit en démat ou en physique. Ok. Et ça sera avec très plaisir que je le streamerai, que je le testerai pour La Voix du Geek. Eh ben carrément, avec plaisir. Ensuite, en février, on a le 2 février Gravity Rush Remastered. Donc, c'est le remaster de l'épisode qui était sorti sur Vita il y a quelques années. Mm-hmm. Moi, j'aime bien Gravity Rush. À voir combien ils vendent. Je crois que j'ai aperçu 29€. Ce qui fait un petit peu cher, messieurs de chez Sony. Bref, ouais. C'est un jeu qui est assez sympathique. On incarne une petite nana. Et en fait, bon, on sent tout de suite arriver le truc avec le 6-axis de la manette, donc le capteur de mouvement. Mm-hmm. On peut se diriger dans toutes les directions. Et en appuyant sur une touche, on perd la gravité. Donc en fait, on s'aimante. Ouais. Au final, le sol devient ce qu'on pointe avec le viseur. Donc on peut marcher sur les murs, au plafond et tout. C'est assez sympathique. Sur Vita, ça marchait très bien. Moi, j'ai bien aimé. Mm-hmm. À voir. Une sortie boîte serait pas mal. Mais ensuite, de quoi ? C'est peut-être prévu. Je suis pas sûr. Ça sent pas bon. Là, il y a une tripotée de gens des maths cette année. Je pense que gentiment, ils vont commencer à mettre, tu vois, ouais, à sortir les jeux qu'en des maths. Tu vois, c'est de pire en pire. J'ai jamais acheté autant de jeux en des maths que depuis que j'ai la PS4. Ensuite, le 5, on a Naruto, hein, une licence qui est chère à notre ami Kogu, qui a pas pu être là ce soir. Donc, pour la peine, on va pas en parler plus que ça. Et il avait qu'à être là. Ensuite, le 9, on a un jeu sympathique qu'on avait vu à l'E3, qui, moi, m'intéresse à mort, c'est Unravel. Ah oui. C'est le petit bonhomme de laine. Oui, oui, qui fait beaucoup penser à Little Big Planet. Ouais. Little Big Planet, d'ailleurs, dont c'est l'anniversaire des 10 ans des créateurs Media Molecule. Qui est un studio assez exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup leur travail. Peut-être un peu moins Little Big Planet 3, mais bon, ça c'est un autre chose. Unravel, en tout cas, a l'air vraiment sympa. Les décors sont vraiment réalistes. Je sens que je vais m'éclater comme un petit fou. Ensuite, on a Assassin's Creed Russia, donc le troisième pour finir le triptyque un peu des assassins un peu spin-off. Ouais. Ensuite, on a le 9 toujours. Hein, on a une nouvelle version de Dying Light. Donc, ils l'appellent pas comme ça, mais c'est une version GOTY. Au final, Game of the Year, donc c'est la version qui contiendra tous les DLC, d'accord, dont le dernier sorti récemment où on peut piloter les véhicules. Et le 9, toujours, on a l'intrigant Firewatch. Ah oui. Et donc celui-là, pareil, c'est très coloré. On est un, comment on appelle ça, un gardien de parc. Ouais, un gardien. Un garde champêtre. Non, non. Ouais, dans l'idée, il y a de ça. Un garde champêtre, si. Un garde forestier, voilà. Ouais. Et en fait, on n'en sait rien. On se retrouve, j'ai vu quelques séquences de gameplay, on se retrouve à surveiller des baigneurs, je sais pas trop. À mon avis, il va se tramer quelque chose de pas possible dans cet univers, et j'ai bien envie de savoir ce que c'est. Et ça, je le sens d'ici, mon flair infaillible, oui. Et ça, je sens que ça va être un stream, on va beaucoup rigoler. D'ailleurs, avec Goustic, on vous dira ça tout à l'heure, mais on vous prépare un stream pour Resident Evil 0. Oh oui. Parce qu'alors, le Resident Evil Remaster, le 1, on a rigolé, et voilà. Oh là là, franchement, ouais. On est deux grosses lopettes. Et on va faire ça bien. Ensuite, le 16 février, on a Street Fighter V. Ah, un jeu de bagarre. Je suis pas très Street Fighter en fait. Moi, les jeux de combat, j'y arrive pas trop. Moi, je suis plus l'école. Eki est pas là, mais c'est pas grave. Je suis plus l'école Tekken et Soul Calibur, quoi. Ah ouais. Donc, les Street Fighter, ça m'a. J'ai joué, hein, mais ça m'a jamais attiré. Et puis, je trouve ça trop technique. Tu vois, les Tekken, c'est vraiment voilà, tu tapes, tu rentres dans le dent. Là, dans les Street Fighter. Faut vraiment que t'anticipes, que tu recules, machin et tout. Enfin, c'est chiant, quoi. Après, mais j'aime beaucoup. Non, mais c'est honnête. Mais visuellement, j'aime beaucoup. Bah voilà, moi, c'est ça le truc aussi. Ça m'attire beaucoup visuellement. Donc pourquoi pas? Ouais, carrément. Ensuite, le 23 février, on a Plantes vs Zombies Garden Warfare 2 qui sort, qui est cher à notre ami Bibine. Donc je sais pas s'il écoute là. Envoie-moi un petit texto, poulet, si t'écoutes. Il l'attend avec impatience. Moi, je sais pas trop. On fera le test, quoi qu'il en soit. Mais je sais pas trop. Je trouve que à 70€ ça pique un peu. Il a 70€. Ah ouais bah ouais. C'est un jeu à part entière. Autant le premier pouvait paraître un peu comme une blague, sachant qu'il a été gratuit, que ça soit sur One, je crois, ou PS4, c'est sûr. Mm-hmm. Bon, on verra bien. Ensuite, le 23, on a aussi Far Cry Primal, que moi j'attends beaucoup. Ah bah oui. J'aime vraiment les Far Cry, quoi. Je les ai tous kiffés, vraiment. J'ai une petite préférence pour le 2. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je le dis souvent à la radio, mais souvent les jeux vidéo, on les aime parce qu'on y a joué à une période de notre vie. Ouais. Voilà, assez particulière. Et je sais pas. J'ai beaucoup de sympathie pour le 2. J'aime beaucoup. Le 2, c'est dans le savane. En savane. Ouais, en savane, ouais. C'est ça. C'est ça. Ensuite, en mars, le 2 mars, on a la sortie d'Heavy Rain et de Beyond Two Souls. Voilà. Donc le pack. D'ailleurs, on est toujours sans nouvelles du pack de BioShock, hein. Que ah moi oui, j'attends oui, avec oui, impatience. Oui, c'est vrai, oui. Ben moi, ouais. Moi aussi parce que j'en ai fait aucun BioShock de ma vie donc. Parce que moi j'ai trop envie de faire en stream pareil, j'ai trop envie de faire BioShock 1 quoi, qu'on aille tous ensemble dans Rapture. Ah, il y a Moumout qui fait ça y est, j'ai raccroché, je vous écoute les poulets. Bah bisous à toi Moumout. Bisous Moumout. N'hésitez pas à faire comme lui hein, je l'ai pas dit pour cette nouvelle année, mais à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Twitter La Voix du Geek, la voix avec un E, on lit tout en direct. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben pour le mois de février, c'est fini. Non, on était en mars, pardon. Le 8, on a normalement la sortie de The Division. Ouais. Ah. Est-ce qu'on va le voir un jour, ce jeu? Bah, plus ou moins. Bah, après, à chaque fois, il est tout le temps retardé et c'est pas plus mal. Mais moi, j'ai le même avis que Eki, en fait, c'est que plus le temps passe et plus les jeux de chez Ubisoft me déçoivent un petit peu. Et Le truc c'est qu'ils ont ils ont beaucoup de licences qui tournent, tu vois, ils sortent un Far Cry, ils vont sortir du Assassin India Russia, ils sortent The Division, voilà, ils font beaucoup de choses quoi. Ouais, mais moi j'ai un tout petit peu peur. Après moi quand j'ai vu le premier trailer à l'E3, j'avais la chair de poule quand je... La chair d'ampoule. Bah oui, mais vraiment quoi. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu-là. Et moi, je l'attends. Alors après, reste à savoir s'il va être encore reporté à, je sais pas, au mois de mai ou quoi que ce soit. C'est ouf, hein, parce qu'en fait, The Division, un petit peu l'histoire. Bon, on n'en sait pas grand-chose. On sait juste qu'il y a une population qui a disparu d'une ville pour l'instant. Et on sait que une espèce de bactérie se propage grâce aux billets. Ce qui est quand même assez flippant et qui peut faire assez paranoïer dans la vraie vie. Et en fait, la conférence de presse pour l'annonce de The Division, en fait, ils avaient fait tomber des faux billets du plafond dans la salle. T'imagines avec des virus. Coup de com. Enfin voilà, c'était le délire. J'ai eu le VIH sur un billet de 5€. Ah putain merde. Tout ça pour 5 balles quoi. Le prix de 5 capotes quoi. Protégez-vous les jeunes. C'est ça. Le 11 mars, on a Hitman que moi j'attends pas mal. Ouais, pareillement aussi. Parce que j'avais beaucoup aimé le Absolution, l'épisode précédent. Ouais, et puis les Hitman aussi. Enfin, c'est des jeux qui m'ont marqué sur PlayStation 2 quoi, parce que déjà graphiquement, bon après ça a bien changé, mais c'était beau. Il y avait une direction artistique assez très soignée. Et même dans le gameplay, c'était très tiré par les cheveux. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y avait une phase de gameplay, en fait, où on était dans un grand banquet. Et en fait, on devait, prendre la tenue d'un garde. Donc, du coup, tu l'assommes, tu l'amènes dans un coin. Et en fait, il fallait que tu empoisonnes une cible en particulier. Et du coup, tu prenais des gobelets, des verres, tu prenais la petite seringue, et puis pouf. Bah voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs moyens d'arriver à ses fins. J'en parlais récemment, tiens, avec Anthony d'ailleurs justement, et je lui vendais un petit peu le jeu. Et c'est vrai que on joue le rôle d'un assassin et on doit assassiner une cible. Et il y a plein de moyens d'y arriver, genre aller dans sa maison. On peut, je sais pas, se déguiser en livreur de chez FedEx. On peut passer par la cheminée si on est déguisé en ramoneur. J'exagère, mais voilà, il y a des tonnes et des tonnes de manières d'arriver à ses fins. Mais et c'est assez agréable. Ouais, ce qui va être assez intéressant, c'est que là, ce Hitman-là va être vraiment différent des autres, c'est-à-dire que il va proposer un open world en fait. Donc du coup, déjà qu'on avait un large panel de plusieurs façons d'assassiner nos cibles, d'avoir diverses situations, le fait d'avoir un open world, je trouve ça encore mieux. Après, c'est pas innovant dans le milieu jeu vidéo, mais pour Hitman, je trouve que l'open world s'approprie vraiment. Faut voir comment c'est emmené. Ensuite, le 15 mars, on a Trackmania Turbo. Donc celui-là, on verra aussi, ça peut être assez rigolo. Pourquoi pas. Ensuite, en avril, le 12 avril, on a Dark Souls 3. Ouais, je passe. Ouais, bah oui, c'est assez spécial. On en fera le test aussi, tant bien mal, bien sûr, comme des guerriers, comme on avait fait pour Bloodborne. Putain, cette émission, faudrait que je poste le replay sur la page Facebook, quoi, que vous l'écoutiez, parce que alors, ça a été une tanasse. Ah, tu m'étonnes. Mais le 12 avril, pour nous remonter le moral, il y a Ratchet & Clank qui sort. Ah. Et ça fait plaisir. Un jeu que j'attends beaucoup. Le célèbre jeu de plateforme pour un reboot. Je suis en train de me refaire le 1, 2, 3 sur Vita. Ouais. C'est assez compliqué. Au niveau du gameplay, et le 1 est dur, c'est abusé quoi. J'en ai déjà parlé plus longuement dans d'autres émissions, je vais pas revenir là-dessus. Ensuite, le 26 avril, mesdames, messieurs, nous avons la sortie d'Uncharted 4. Uncharted 4. Peut-être. Qui est peut-être pour moi le jeu que j'attends le plus dans l'année avec Battleborn. Ouais, mais peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être en avril, encore... attention. L'avril ne te découvre pas d'un fil, ça va mettre de la thune de côté. Moi c'est un jeu que j'attends le plus parce que moi j'ai découvert au mois d'octobre les remasters parce que moi j'avais pas la PS3 à l'époque. Comme notre ami John qui nous écoute sûrement. C'est ça. Que j'embrasse, voilà, je te fais plein de bisous kékettes poulet. Moi je l'attends parce que il y a des je sais pas si tu as joué à la bêta du multijoueur, mais j'ai eu plutôt de bons retours sur cette phase-là. Après, je sais qu'il y a, ils ont rajouté des phases de dialogue un petit peu comme à la The Witcher, c'est-à-dire qu'on va choisir nos différents dialogues. Et ça, je trouve ça assez pas mal dans Uncharted. Je trouve ça assez pas mal. je trouve ça très intéressant et on est encore plus dans l'immersion de Nathan Drake. Mais voilà. Et puis le multijoueur, j'ai eu plutôt de bons retours, notamment de James, d'Amical du Geek, qui m'a dit que ouais, c'était un bon multijoueur. Donc voilà, wait and see. Hein, donc, moi, j'avais beaucoup joué au multijoueur du 2, et c'était assez solide, moi j'aimais bien. C'était pas désagréable, hein. C'était plutôt cool même. Je crois que c'était la première fois de ma vie où j'achetais des cartes en DLC sur PS3. Ah ouais. Ah, je te jure. Putain. Ensuite, on passe en mai, le 3 mai, il y a Battleborn, donc le jeu de tir fait par les réalisateurs les développeurs de... Merde. Team Fortress. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais non, t'y joues en ce moment, banane. Ah, Borderlands. Gearbox. Voilà, Gearbox bar Borderlands. Donc c'est vrai que ça a l'air quand même plutôt classe. Encore du cel shading. Je pense que ça va être un truc de ouf. On n'a pas fini de triper dessus. En mai, le 24, il y a Mirror Edge Catalyst qui sort. Eh ben enfin. Eh ben oui, enfin. Eh ben enfin, ma chère Maryse. Alors attention, parce que Uncharted 4 a quand même été repoussé. Il devait sortir plus tôt que ça, il devait sortir en mars et on l'a. Donc on n'est pas à l'abri d'un énième report pour Mirror Edge. Mais pourquoi pas? Si voilà, après c'est un jeu qu'on attend depuis 2008, donc. On peut encore attendre un peu. Ouais, moi je suis pas contre, hein. Donc. Yes. Et puis ensuite en juin, on a No Man's Sky. On n'a pas de date précise. Ouais. Et un nouvel épisode de Sherlock Holmes. Alors moi Sherlock Holmes, j'adore les jeux Sherlock Holmes, ça me fait triper. Bah, t'es le seul dans l'équipe, mais ouais, c'est vrai. Après... Mais c'est important qu'on en parle. Ah oui oui, bien sûr, je dis pas le contraire. Mais No Man's Sky, alors c'est sûr qu'il a l'air vaste et tout. Enfin voilà, il y a une richesse au niveau de l'univers. Alors mais, pour les auditeurs, No Man's Sky, c'est pour l'instant ce qu'on sait, c'est qu'on peut voyager de planète en planète à bord d'un avion et aller chercher des ressources sur des planètes qui sont générées aléatoirement. Voilà, c'est tout ce qu'on en sait. C'est très coloré aussi. On sait pas grand chose dessus. Ouais, j'ai peur juste qu'ils ont tout misé sur l'ADA. Et en fait, le gameplay, j'ai peur que le gameplay va être limité. Après, c'est juste un avis, mais j'ai une demi-molle pour No Man's Sky. Voilà. Donc, Eh ben, on verra. Écoute, ça sera en juin, juste avant les vacances. Donc, ça se trouve, ça va être notre jeu de l'été. Et puis ensuite, des jeux qui n'ont pas trop de date, mais on va quand même en parler. On a Dishonored 2. Oui. Que j'attends, moi, Dishonored 1, il était très bon, j'ai vraiment aimé. Je me le surfais au mois d'août, tiens. Au mois d'août. Oui, mais il y avait le remaster qui était. Exactement, que j'ai acheté, ouais, je me suis refait, j'ai vraiment kiffé. On a The Last Guardian. Ah oui, alors ça, mais. Ah qu'est-ce que j'attends celui-là? Parce que déjà, les jeux comme Ico. Shadow and the Colossus. Shadow and the Colossus, pour moi, c'est. Voilà, Shadow c'est... of the Colossus. Shadow, même, pardon, of the Colossus. C'est comme tu disais il y a quelques instants, il y a des jeux qui te marquent et ce jeu-là, avec Jack et Dexter hors la loi, c'est mes jeux qui ont. C'est les jeux qui ont marqué la PS2 et qui ont marqué mon adolescence, quoi. Parce que. Putain, c'était tellement beau, c'était tellement poétique, Shadow and the Colossus. Alors après, c'était pas un gameplay non plus sensationnel. Ça a vieilli en plus, hein. Ouais, mais dans ma tête, ça a jamais vieilli. The Last Guardian, déjà, quand j'ai vu les images de l'E3, bon, même si, voilà, c'est un portage PS3, PS4, si t'es fan de cette trilogie là, tu peux que adhérer à The Last Guardian quoi. Puis je trouve ça tellement beau. Moi je l'attends. Ouais. Ça fait, écoute, on verra. Ça fait 10 ans que j'attends, donc dépêchez-vous. Entrez. Là. Ah putain, je me suis fait avoir. T'as vu son design. Puis cette année, on a Horizon Zero Dawn aussi qui arrive, une exclusivité PS4 par nos amis. Parce que j'aime bien Killzone en fait, par Guerrilla Game. Donc les réalisateurs de Killzone, Horizon Zero Dawn. Tiens, d'ailleurs, on a appris qu'il y aurait pas de multijoueur parce qu'ils voulaient plus coller une expérience à la The Witcher aussi. Ouais. The Witcher décidément inspire beaucoup. Bah, c'est pas vaut mieux qu'il inspire quelque part, c'est un très bon jeu. Donc au final, Horizon Zero Dawn, pareil, hein, il me tarde assez de mettre la main dessus. Pareil. Ouais, celui-là a l'air assez bon. Bon, jusqu'en juin, on a une plutôt bonne année de jeux vidéo, hein. Il y a quand même pas mal de choses. Ça va nous occuper un moment, et puis évidemment il y en a d'autres qui sont pas notés là. Moi sincèrement, j'attends vraiment Mirror Edge, Battleborn, Uncharted 4, et puis à côté de ça, je crois que j'ai oublié de le noter. Je crois qu'on a Gravity Rush 2 qui sort aussi. Et il me semble que tu l'as dit, hein, Gravity Rush 2. Le 2 ? Ok, ouais. Bon, c'est moi qui ai bugué. Enfin c'est voilà, il y a pas mal de jeux quand même. Je pense qu'on va s'amuser un peu. Hey hey. Est-ce que tu veux que j'envoie le scud? Eh ben écoute, il est 20h carrément. Allez, il est 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après Flume and Chet Faker. Putain, à chaque fois vous me sortez des noms, vous les mecs. Bah c'est juste qu'on est bilingue, c'est tout. Yes it is. Allez, rebonne année et à tout de suite. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Seeing your soul, give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. Hush, I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I want. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son. I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling. de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Allez, on est de retour. Oh là, mon Dieu, mais calme-toi, la bande son de l'enfer. Allez, on est de retour. On est toujours en direct. 20h passées de quelques minutes. On vient de s'écouter, parce que je suis un petit peu sadomaso, donc je vais le redire. On vient de s'écouter Flumenschkeksteksker. On a compris Ashton Kutcher, je pense. On vient d'écouter le dernier morceau d'Ashton Kutcher. Non, c'était Flumenschkeksteksker avec Drop the Game. Tiens, il y a un petit message sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quelqu'un qui aime la photo, c'est bien gentil. Ah mais c'est sympa. Carrément, allez, on va vous parler un petit peu de Train 3 et puis on va revenir un petit peu sur la licence que moi j'aime beaucoup. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé du troisième épisode, parce qu'il y a des trucs qui vont pas et ça c'est pas bien. Et ben ouais. Eh bien vas-y. Carrément, alors le premier Train est sorti en 2009, c'est développé par Frozenbyte. Frozenbyte. On dirait presque qu'il y a un glaçon... Bon, bref. Oui, on a compris. Le glaçon friandise, quoi. Un Mister Freeze, on va dire. Voilà. Donc, en fait, c'est un jeu d'aventure. Un peu... Bah, à la base, oui, j'allais dire un peu... Non, en 2D, donc en scrolling. Donc, on va de la gauche vers la droite, où on incarne trois personnages qu'on peut switcher. La voleuse, qui a un arc et qui peut faire... Qui a des grappins, en fait, avec lesquels elle peut s'accrocher un peu où elle veut. Il y a un magicien qui lui peut faire apparaître des cubes. Alors dans le premier épisode, parce qu'il y a pas mal de changements entre le 1, le 2 et le 3, donc dans le premier épisode, le magicien peut faire apparaître des cubes, mais qui restent en suspens dans les airs. Alors que dans le 2, il faut les maintenir en fait. Si tu lâches, le cube tombe. Ah ouais. Et oui, alors que dans le 1, il plane tout seul. Et ensuite, on a Pontus, le chevalier, qui lui sert juste à casser les murs. On peut changer d'arme, il a une espèce de grosse masse pour casser des murs derrière lesquels il y a des choses de cachées. D'accord. Donc voilà, en fait, à chaque fois, cette bande de joyeux lurons, là, les trois, ils sont contactés par le Train. Donc le Train, c'est une espèce d'artefact, en fait, qui vient leur dire, oh là là, mon Dieu, de l'autre côté de la montagne, il y a des jeunes qui sont en danger. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on part avec lui et on part faire cette aventure. Donc le 1 est assez cool. Le trip un peu de Train. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut y jouer en coop, que ça soit en local, donc sur son canapé, à trois, donc chacun incarne un personnage, la voleuse, le magicien ou le chevalier, ou en ligne. Voilà, donc chacun chez soi, mais en ligne. Si on joue tout seul, on peut switcher à la volée entre les trois personnages pour passer certains puzzles, en fait. Parce qu'il y a des puzzles et des espèces d'énigmes. Mais est-ce que c'est galère quand t'es tout seul? C'est un peu galère, ouais. T'as essayé un petit peu? Ah oui, bien sûr, bah, ouais. Le 3, je le fais tout seul, et je vais vous expliquer pourquoi, d'accord. Et c'est un petit peu la raison de ma colère. Ensuite, Train 2 est sorti en 2011. Donc c'est un jeu qu'on a bien retourné avec Kou. On a cherché toutes les petites billes parce qu'en fait, dans chaque niveau, il y a 150 ou 200 billes. On a l'habitude maintenant, comme dans Rayman, un peu tous les jeux, où il faut ramasser tous ces points pour faire évoluer son personnage. Parce qu'il y a une espèce d'arbre de compétences assez basique. Mais par exemple, le magicien, au début, peut faire apparaître qu'un seul cube. En débloquant d'autres compétences, il peut faire apparaître deux cubes, trois cubes. Il peut avoir faire apparaître une planche et aimanter le tout. Et donc en fait, si vous partez dans le délire, on ramasse toutes les petites billes. C'est pour ça que Kogo est pas là ce soir et c'est con parce qu'on l'a bien saigné. On a ramassé toutes les bulles qu'il y a dans les niveaux. Et genre, mais il y en a qui sont cachées dans des endroits improbables où on a fait des constructions, mais c'était du grand n'importe quoi, je te jure, à base de cubes aimantés avec d'autres trucs où tu sautes et tu switches de personnage en l'air avec le grappin. Wow, ok, d'accord. Ah ouais, non mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc voilà, Train 2, en plus l'univers est hyper chatoyant, c'est hyper léché, très coloré, pour régler la télé c'est top, les jeux Train. Ouais non, moi j'aime beaucoup, et puis écoutez-moi la bande son, je vais la mettre quelques secondes. Toi, t'es dans l'ambiance quoi. Ah oui, c'est très heroic fantasy. Non ouais, alors le 1 est assez sombre. Dans l'idée, on se retrouve beaucoup dans des catacombes. On se retrouve un petit peu comme, tu sais, dans les mines de la Moria. Ouais. Donc la cabane, la grosse cabane des nains dans le Seigneur des Anneaux. Dans le 2, c'est beaucoup plus coloré. On voit du pays, on se retrouve dans la jungle. La jungle, on a galéré à trouver toutes les petites billes, elles sont cachées derrière les feuilles. On passe dans la jungle, après on va dans le désert, on est dans un village... On voit vraiment plein de choses. On se retrouve en souterrain, on peut nager, aller chercher des choses sous l'eau. Et il y a toujours des petits puzzles qu'il faut résoudre. Et dans le 3, ils sont très bien pensés, je trouve. C'est toujours des petits puzzles, un peu genre, il y en a un qui va monter dans la catapulte, le magicien avec son pouvoir, il a le pouvoir de déplacer les objets, un peu comme la force, il va bander la corde de l'arc, et hop, il va envoyer l'autre, mais il faut qu'il s'accroche, c'est toujours des trucs pas possibles. Il faut, des fois, il y a des geysers dans le sol, il faut brancher un système de tuyaux pour que ça soulève une planche. Enfin, à chaque fois, c'est vraiment top. Et donc voilà, on va arriver au 3. Et ce qui me chagrine un petit peu, donc le 3 s'appelle The Artifact of Power. Donc il est sorti sur PC au mois d'août en Early Access. Donc l'Early Access, hein, pour les auditeurs, c'est on achète le jeu alors qu'il est encore en construction. C'est comme si vous achetiez une maison alors que bah elle est pas terminée en fait. Il y a le toit, admettons, il y a des pièces, mais il y a pas le carrelage ou j'en sais rien. L'Early Access, c'est un peu pareil. Ça permet aux développeurs de continuer le jeu pendant que les joueurs y jouent et d'avoir des retours un peu comme une bêta ou une alpha comme on a pour d'autres jeux, bien sûr, oui. Sauf qu'on achète le jeu dans sa version pas finale en fait, et donc au fur et à mesure le jeu évolue, et donc en fait c'est pour ça qu'il est sorti sur PS4 il y a quoi, c'est le mois dernier, et il est pas très cher en plus, il a 20 balles. Et franchement, moi ce qui m'emmerde le plus, c'est que sur la version PS4 il y a pas le multijoueur en coop en ligne. Ah ouais, merde. Et non, et en fait, on l'a acheté avec Bibine, on l'a acheté avec plein de potes, et on s'est dit, voilà, on va le faire tous ensemble, comme on a pu le faire avec le 2. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas possible. Et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse de Frozen Byte. C'est en cours. Alors, le truc, c'est que je peux comprendre, qu'en faisant le jeu, il y a des moments où tu te dis, ouais, là, en multi, ça va être compliqué. La grosse nouveauté de ce Train 3, c'est que il y a la 3D. Donc la 3D, entendez par là qu'avant on allait de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ouais. Maintenant on peut aller en profondeur et donc explorer un peu. Genre par exemple on passe devant une tour, rien nous empêche de passer derrière pour aller explorer. Il y a souvent des, alors dans cet épisode ils appellent ça des trinangles, donc c'est les pièces à ramasser. Et donc rien nous empêche de passer derrière. Donc on imagine bien que s'il y en a un d'entre nous qui veut aller sur la droite et que l'autre veut aller derrière, enfin ça va être un bordel pas possible quoi. Au niveau de la caméra. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu pour ça que ça pêche. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment un truc qui gâche le jeu, sincèrement. Ce qui est dommage, c'est que voilà, maintenant les jeux, c'est ou tout ou rien. Gun Gore and Cannoli, qu'on testera la semaine prochaine, il se fait uniquement à la maison. On peut jouer à 4, mais uniquement en local. Il y a pas de mode en ligne, alors qu'il est excellent, quoi. Toi, ça aurait mérité un mode en ligne. Fat Princess, pour le coup, lui, il a les deux. Enfin, c'est toujours, il manque toujours quelque chose, j'ai l'impression. Donc bref, ensuite dans Train 3, alors le reproche qui lui avait été fait, c'est qu'il serait un petit peu court. Sincèrement, si tu t'amuses à tout ramasser, ça peut être quand même assez long. Il y a que 8 niveaux. En fait, dans cet épisode, ils ont fait un système de cartes qui est en bois. Elle est en bois, elle est assez classe d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Donc en fait, t'as des ronds, t'as 8 ronds, donc 8 niveaux qu'il faut faire. Et ils sont détaillés en petits chapitres. Donc au final, ce qu'il n'y avait pas avant, si tu veux ramasser toutes les petites perles, avant tu te refaisais tout le niveau sans savoir où t'avais oublié la perle. Là maintenant c'est découpé en chapitres, genre une quinzaine de chapitres, et tu vois il y a écrit 10 sur 10, 8 sur 8, voilà, donc tu dis un peu comme Rayman quoi, d'accord. C'est ça, en fait tu peux recharger chaque petit passage pour les chercher. Et ensuite à côté de ça, des 8 grands niveaux, il y en a 10 petits qu'on ne peut faire que tout seul et qu'avec un personnage. Ça va être 10 espèces de niveaux. Par exemple, si on prend Pontus, le guerrier, ça va être un peu un jeu de survie. On est en haut d'une tour et il y a 2 vagues d'ennemis. Et une fois qu'on a terminé, on récupère les trinangles et puis on a réussi. Si c'est qu'avec la nana, avec la voleuse, ça va être que des trucs avec des cordes, des poulies, monter des poids, tout ça. Donc voilà, dans chaque niveau, il y a 150 trinangles et il faut les cumuler pour pouvoir débloquer les niveaux d'après. Bon, ça, on a l'habitude. Ensuite, au niveau du gameplay, eh ben c'est identique à ceux d'avant, sauf que donc on a toujours la voleuse avec son arc et son grappin, le magicien qui fait apparaître des cubes, sauf que là, eh bien en fait, ils ont enlevé l'arbre de compétences. Donc au final, le magicien il peut faire apparaître qu'un seul cube, le chevalier il peut que taper, alors que le chevalier avant, on pouvait, il mettait son bouclier sur sa tête, il faisait une charge et il propulsait un autre joueur dans les airs, tu vois, pour aller chercher des billes et tout. Bah là, c'est plus possible. Donc au final, on est hyper limité. T'avances dans les niveaux, et puis bah voilà, t'as juste le chevalier, il tape, ça s'arrête là. La magicienne, alors la voleuse, pardon, ils ont un petit peu modifié des trucs. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des puzzles assez bien pensés, comme dans tous les épisodes. Là, par exemple, en fait, la voleuse peut fixer sa corde à un anneau et fixer l'extrémité à un autre anneau. Et dans l'idée, elle peut faire ça deux fois. Donc à un moment, il y a un espèce de puzzle où tu vois qu'il y a un truc par terre. Donc si tu marches dessus, ça fait monter une tige. D'accord, ouais. Ouais, ok, ça fait monter une tige. Ouais. Sous la tige, il y a une espèce de planche avec des anneaux. Ouais. Donc tu dis ok. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est tu prends la voleuse, t'accroches l'extrémité d'une corde à un anneau, tu sautes par-dessus la tige, t'accroches l'autre extrémité à l'autre anneau. Donc en fait, faut imaginer la tige tout droite avec la corde qui passe par-dessus. Ouais. Ensuite, tu montes sur la plateforme que tu viens de faire, qui est reliée à la tige. Tu switches de personnage, tu prends le magicien, tu fais apparaître un cube, tu le poses sur l'interrupteur et ça fait monter la plateforme qui est accrochée à la tige. Ah oui. Tu vois ? Et c'est que des trucs comme ça, mais c'est hyper bien. D'accord. C'est hyper bien. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que dans Trine, il y a toujours eu, et c'est ce qui nous fait beaucoup rire en coop, il y a toujours eu une physique un petit peu particulière. Et ben là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bugs. Il y a des passages où il y a une espèce de chariot, et avec Pontus le chevalier, si tu fais triangle, il a une charge. Et en fait, t'es censé le faire passer par-dessus des trucs. Et il y a des moments, mais ça s'emballe, mais complètement quoi. Le chariot, il s'envole. Il y a des moments, c'est du grand n'importe quoi. Avec la voleuse, dès que tu commences à attacher un peu les anneaux à des endroits, bah alors c'est parti quoi. T'as l'espèce de corde qui part, je sais même pas comment dire, qui fait dans tous les sens, qui frétille quoi, tu vois, hyper fort, ouais. Et du coup qui s'emmêle et qui part dans tous les sens, qui soulève tous les trucs et t'as tout qui se barre dans tous les sens. Enfin, c'est un truc de ouf. Y a pas mal de bugs comme ça. Le magicien, c'est pareil. T'as le pouvoir. La nouveauté là, c'est que en faisant L2, donc sur PS4, hein, ça fait apparaître des petits ronds. Et ensuite, avec le stick, tu peux switcher. Et en fait, tout ce qui se met en carré, c'est les trucs avec lesquels tu pourras interagir. Et des fois, genre, tu dois soulever une plateforme, et genre, mais ça fait n'importe quoi. T'as tout qui s'envole en même temps. Donc, il y a des bugs comme ça, assez chelous. Voilà, bon, ça, c'est un petit peu... voilà. Ensuite, graphiquement, bah franchement, c'est assez classe, comme nous ont habitué tous les jeux. Franchement, c'est voilà, pour régler sa télé, c'est top. Là, la petite nouveauté, on part un peu dans des nuances d'orange, qui sont pas mal du tout. Et puis il y a des boss aussi qui sont assez sympas. Bon, c'est pas à s'en relever la nuit, mais franchement c'est assez sympa. Bon voilà, hein, de toute façon il y a pas 50 000 trucs à dire. Si nos collègues avaient fait leur travail et ils avaient été là, tu vois, ils auraient pu parler de Trine aussi parce qu'ils y ont joué plein. Mais moi j'ai pas pu y jouer, donc voilà, faute à moi, donc non, mais t'inquiète. Mais donc voilà, alors après, moi ce que j'ai aimé, on va faire les moins. D'abord, ce qui m'a vraiment gonflé, c'est pas de online, et ça c'est vraiment rédhibitoire. C'est vraiment un jeu qu'on prend plaisir à traverser à plusieurs. On est trois, on se dit ah tiens, alors parce qu'en plus t'as pas une manière de faire un puzzle. Y a des moments où dans le 2 où tu peux faire apparaître une planche et soulever un autre joueur avec le magicien. Ouais. Et genre, mais tu le fais visiter le haut du plafond, tu as même plus le personnage qui est dedans, et hop, et en fait t'entends ding ding, donc tu ramasses encore des trucs. Donc voilà, la coop est quand même hyper importante. Alors vous allez me dire oui, mais c'est quand même plus sympa sur son canapé entre potes. C'est clair, mais le online aurait été bienvenu. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est qu'il n'y ait plus d'arbre de compétences. Parce qu'au final, tu traverses le jeu et t'as toujours pareil, quoi. Alors que dans le 2 et dans le 1, voilà, c'était quand même plus fouillé. Tu pouvais débloquer des flèches explosives ou des flèches. Là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas pris la tête, en fait. Mais c'est bizarre parce que c'est un jeu que tu m'as dit qui est en early access, donc du coup, il l'est plus. Il l'était au mois d'août. Oui, enfin, il était mais au mois maintenant, d'août. Maintenant, il est sorti, il est final, normalement. Ouais, je sais qu'il était sur PC, donc du coup, ils ont eu pas mal de retours et. Pourquoi avoir fait ça? Parce que enfin sur le 1 et le 2 je pense que voilà cette méthode là fonctionnait très bien. Et c'est énorme. En plus c'est des jeux qui coûtent plus très cher maintenant. Ben ouais, et puis enfin voilà, quand on est dans on a une PS4, nous on fait souvent des parties avec des jeux en commun aussi, donc Bah, je vois pas le délire, quoi. Donc, enfin, c'est. Surtout que ça y est sur PC. Bah oui. Donc, du coup, honnêtement, ça aurait pu être sur PS4, quoi. Donc, ouais. Je sais pas. Soit c'est une direction, enfin, je sais pas, une erreur, mais c'est une grosse erreur. Alors, a priori, il va y avoir une mise à jour. Le truc, c'est que voilà, on se retient de pas. Enfin, voilà, moi, j'y ai joué toute la nuit hier, mais tu sais, j'ai pas pris de plaisir parce qu'au final je me suis dit ah non, faut pas que je ramasse toutes les petites bulles parce que je sais que ça nous fait beaucoup rire de le faire entre potes. Ouais. Donc je me suis dit allez, je traverse les niveaux histoire d'en voir un peu et tout, mais voilà, il faut pas que la mise à jour dure trop, enfin mettre trop de temps à sortir non plus quoi. Ensuite dans les plus que j'ai kiffé, bah pour le coup, la 3D, je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal, ça fait un peu bizarre dans le sens où il y a toujours un temps d'adaptation, il y a plein de fois où tu sautes et tu tombes à côté du truc parce que bah t'es ou trop loin en profondeur ou trop près vers toi. Ouais. Mais il y a quand même des passages assez sympas. Il y a un moment où t'es en haut d'une espèce de falaise et tu fais un peu comme Aladdin, tu prends un tissu et tu t'envoles comme ça. Donc ça c'est pas mal. Il y a aussi voilà, tu peux au niveau des puzzles et des trucs cachés, c'est pas mal parce que il y a des fois où tu vois pas forcément, puis tu dis ah tiens, il y a un renfoncement, t'y vas et tu peux tourner ou à gauche ou à droite. Donc ça c'est pas mal du tout. Ce qui est dommage, c'est que voilà, ils te font faire pas mal de, comme dans les autres, hein, pas mal de bastons. Il y a des séquences où il y a pas mal d'ennemis. Si le chevalier il est mort, eh ben au final tu te retrouves à tirer des flèches ou t'es avec le magicien et tu fais apparaître des caisses et avec Ron tu les fais tomber. Enfin c'est pas très marrant quoi. D'ailleurs ils ont changé le système. Avant, quand on jouait seul ou entre amis, si quelqu'un venait à mourir, son personnage, il fallait avancer jusqu'au point de respawn d'après. Là maintenant c'est un système où ça fait une espèce de aura bleue qui tourne sur le sol, et en fait si on reste dedans 5 secondes ça fait réapparaître le personnage, donc au final on l'a à volonté quoi. Puis dans les plus, eh ben je l'ai trouvé vraiment super beau. J'adore, la direction artistique est excellente, les doublages sont vraiment terribles. Le magicien, c'est la voix française de d'Evan McGregor et de Johnny Depp. Ah bien. Ouais, carrément. Et puis voilà, c'est toujours une histoire qui est racontée, ça s'ouvre toujours sur un grimoire avec une voix, avec cette musique, tu vois. Nos héros arrivés dans le truc et... Tu vois, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Ça t'emmène toujours dans un univers qui est vachement bien. En tout cas, voilà, Trine 3, je vous le conseille... Attendez peut-être un peu, qui baisse. Si jamais vous avez un doute, foncez sur le 2. À mon goût, c'est le plus abouti, le plus long. Et puis c'est une bonne entrée en matière si vous voulez vous lancer dans le délire. Le truc, c'est qu'en plus, ils ont sorti un pack. Je crois que le 1 coûte 6€, le 2 9€, et il y a un pack genre oui, ça doit être à 10, 11, 12€. Ouais. Trine 1 et 2. Sincèrement, si vous cherchez un jeu à faire en coop, alors attends, tiens, il y a un message de John. Trine est clairement un jeu à faire entre amis, même si ce n'est que online. Il est beaucoup moins valable en solo, mais mon dieu, alors l'OST est magique. Moi qui suis un grand fan d'OST de jeu, un univers merveilleux et une histoire touchante. Non, clairement, c'est pour ça que moi franchement, on a halluciné, surtout que on l'a lu nulle part. On remercie les grands sites, les grands journalistes, jeuxvideo.com, Gamecult, Jeux Actu, ouais. Il y en a pas un seul dans son test qui a précisé que sur PS4 il y avait pas de online. Merci les mecs quoi. Vous faites franchement, c'est bien. On peut les applaudir. Non mais c'est vrai, c'est un gros détail quand même quoi. Tu vois, c'est comme si par contre, pour dire que le Call of Duty Black Ops 3 sur PS3 et sur Xbox 360, il y avait pas de campagne, ils ont pas oublié quoi. Priorité à l'info, voilà. Oh bah oui, priorité à l'info. Selon eux. Priorité à l'info, mesdames et messieurs. Oh putain, oh, je viens de découvrir que je pouvais faire. J'ai mal à la France. Bah, je ferme les yeux, j'ai l'impression qu'il y a le logo INA en bas à droite, quoi. J'ai mal à ma France. Salut, c'est Gilles Verdez. Oh, Fatou, je t'aime. Bref. Non mais voilà, Trine, franchement, c'est un très bon dos. Prenez le 1, le 2, faites l'entrepôt, vous allez kiffer. Le 2 est juste hallucinant. C'est assez chaud parfois, mais c'est très très bon. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste un peu de temps, je sais pas. Où on rend l'antenne maintenant, on peut aussi, hein, c'est pas méchant. Non, on va parler un petit peu, tiens, de ce qu'on fait la semaine prochaine. Bah oui. Carrément, il nous reste quelques minutes. Donc la semaine prochaine, on se fait le test de Gun, Gore and Cannoli. Et de Fat Princess. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, ce soir, alors on est sans nouvelles de Bibi, non? Il a pas répondu. S'il est comme il y a deux semaines à la dernière émission, pour pas se faire de bille. Alors, bon, je vous promets rien, parce que Fat Princess a streamé tout seul, ça va être très chiant, sachant que c'est un jeu multijoueur pour le coup. Mais on va essayer de streamer. Sinon, je streamerai sur Warframe. C'est pas grave. En tout cas, là, j'ai envie, j'ai la patate. Je rentre, je bouffe, je me douche et j'arrive. On fait un stream direct. Ah non, mais carrément. Là, j'ai envie. Vous m'avez trop manqué en vrai. Il fallait. On était tellement absents aussi. Hein, donc. Et ouais. Coup, pas de stream du mois de janvier. Novembre, décembre. Voilà, et pas d'émission là. La semaine dernière, ça m'a trop manqué là. Donc ce soir, stream. Et puis ouais, donc voilà, fin de Princess. De toute façon, il y a du bon qui arrive, hein. Il y a du bon jeu. Et puis oui, comme je vous le disais, le 26 janvier. Le 26, on sera en direct du Meltdown. Donc ouais. Tout le monde connaît, je pense, hein, le Meltdown, c'est un bar d'e-sport. Donc pareil, si vous êtes de Bordeaux et que mardi soir de 19h à 20h30, vous savez pas quoi faire, bah venez dans le bar nous voir. Ouais. Parce qu'on va triper quoi. Franchement, on sera en direct de là-bas, ça va être un bordel pas possible techniquement. On va essayer de faire un stream aussi de là-bas. On va essayer de le streamer en même temps, comme ça vous nous verrez aussi en image en direct du bar. Et puis voilà. Puis tu veux nous rappeler, tiens, toi, Goustic, pour samedi ? Oui, bien sûr. Samedi 9 janvier, la chaîne de l'Amicale du Geek, la chaîne de YouTube, vous propose un live débat sur Star Wars et plus précisément sur le dernier épisode, Le Réveil de la Force. Donc, moi, je vous annonce déjà, il y aura du spoilers. Donc, c'est adapté. Non, mais vraiment, parce qu'après, il y a certains. Mais... Voilà, je le dis au cas où. Voilà, donc si vous avez vu, venez avec nous, envoyez des messages sur le chat de YouTube pendant l'émission. Donc, ça commence à 20h30 et je serai en compagnie de l'Amicale du Geek, de James et Faye que j'embrasse. On aura Bilou aussi, donc une personne qui avait appelé il y a. Rien à voir avec Bilout. Non, du tout. Je ne sais pas. Je l'ai pas encore vu ça. Mais Bilou, hein, donc un YouTuber aussi qui fait des vidéos très intéressantes et très humoristiques. Notamment, il y avait une parodie de Fauve qui est juste. Mais j'étais vraiment plié. Et un sketch sur un complot avec Cyril Hanouna. Enfin voilà, ce mec est barré et je le connais bien. Donc voilà. Et aussi, nous aurons Fab. Donc le vlog de Fab, en fait, donc c'est Fabien. Donc un youtubeur pareil, ami de Bilou, et qui fait des vidéos sur le cinéma, qui fait souvent des reviews sur des films sortis. Voilà, donc allez voir aussi sa chaîne. Et puis nous avons la chaîne Nexus 6 qui est spécialisée dans la science-fiction et qui ont fait une vidéo sur Star Wars 7 aussi. Donc je vous préviens sur celle-là, il faut avoir vu le film parce que ça spoil comme un cochon. Vraiment. Donc voilà, et aussi Starflord, donc un youtubeur qui fait des critiques jeux vidéo et un peu cinéma aussi. Donc voilà, cette bande de belles brochettes sera là à 20h30. Donc soyez au rendez-vous. Si vous avez pas envie de mater l'hommage de Balavoine, je peux comprendre. Donc regardez l'Amicale du Geek et on parlera d'une galaxie lointaine, mais très très lointaine. Donc voilà. Eh ben carrément. Ben écoute, moi je serai là aussi, mais en public, en tant que spectateur. Ben tu diras, c'est de la merde. Voilà, parce que j'aime bien dire c'est de la merde. Parce qu'à la fin, Voldemort il tombe de son vélo et puis paf. Voilà. Ah bon. Rendez-vous en 2017. Bon, on n'a pas vu le même film. Ouais, je pense. J'ai dû voir la version porno, je pense. Donc. Harry Potter et la braguette magique. Exactement. Ça devait être ça. Bon, en tout cas, merci à vous. Rebonne année. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter. On commence. Alors, attendez, je vais essayer en live. Eh non, on n'est toujours pas de retour sur la bande FM. L'année commence très bien. Franchement, Hier, il y a eu le PSN. Aujourd'hui, il y a Odeur Radio. Ouais, non, mais je sens que ça va être une année de ouf, là. Ça commence bien. On est que tous les deux. Les autres se font porter pâle. On est que sur Internet. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, mais oui. Et puis après, en mars, il faudra prendre la relève, hein. Donc, Et en mars, il y a eu de places vacantes. Oui. Alors, je sais pas si, tiens, on va faire un test. S'ils nous écoutent, je pense pas. Tagazu, tu rejoins, si tu le désires, bien sûr, l'équipe, hein, en mars, hein. Voilà. On va voir s'il écoute ce soir ou au moins le replay. On verra bien. Bon, en tout cas, Tagazu, il y a ton fauteuil qui t'attend dans la Voix du Geek. Tagazu, ça fait 2 ans qu'on lui court après, que j'ai envie qu'il nous rejoigne. Donc voilà, on va voir s'il nous écoute. Bref, allez, gros bisous à vous, bonne année, et puis on se retrouve tout à l'heure pour un stream, et puis demain, de toute façon, là ça y est, on reprend les streams. Voilà, vous m'avez trop manqué. Bisous mon poulet. Bisous à toi. Puis merci d'être là, putain. Bah ouais, et puis je te souhaite encore une bonne année. Bah merci, toi aussi mon bichon. Allez, gros bisous à tous. Bye. Ciao. Bye. À Bordeaux, vous écoutez O2 Radio sur 91.3. bust it. Sit down for a minute, look down to the distance, see the sound of piss.